Bonjour, ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin et fier partenaire de la Véloroute des Bleuets. J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est offerte afin de souligner le 20e anniversaire de la Véloroute des Bleuets. Ce produit touristique majeur du lac Saint-Jean est une belle réussite et un beau travail de concertation des municipalités qui accueillent cette infrastructure. Je félicite tous les gens qui, de près ou de loin, ont fait de ce produit ce qu'il est aujourd'hui. C'est plus de 200 000 personnes provenant de partout au Québec et ailleurs qui profitent de cet aménagement. Si vous n'avez pas eu encore l'occasion de sillonner cette magnifique route de vélo qui ceinture notre beau lac Saint-Jean, je vous invite chaleureusement à le faire. Merci. Évidemment, la Ligue canadienne de football qui annule sa saison, ça laisse place à beaucoup de réactions. Et évidemment, ben moi, je voulais parler avec l'ancien président des Alouettes et également l'ancien commissaire de la Ligue canadienne de football, Larry Smith, pour voir ses réactions sur l'annonce de cette semaine. Salut, Larry! Salut, Danny! Larry, comment tu trouves ça en tant qu'ancien commissaire de la Ligue canadienne de football? Mais honnêtement, je ne suis pas surpris. Parce que vous savez que la Ligue, les fondamentales du Ligue sont basées sur une coupe d'éléments. Un, ça, c'est la vente de billets pour le grand public qui donne leur appui. Deuxième chose, c'est le contrat de télévision avec RDS, TSN, etc., Bell Media. Et le troisième, c'est les autres facteurs, ça c'est la vente de food, boissons, comme bière, etc., dans le stade. Et le challenge, Danny, est que le LCS est fondé sur l'appui du grand public. Ouais. Et le problème, c'est que si vous ne pouviez pas avoir les gens dans les gradins, dans les estrades, avec la distance sociale entre tout le monde, comment tu vas avoir un business qui est viable? Ça, c'est le vrai problème. Mais c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'il aurait fallu peut-être avoir un plan B, un plan C? Moi, c'est ça que je reproche le plus à Randy Ambrose, puis d'avoir laissé les joueurs. C'est ça qui est le plus dramatique. Les joueurs, c'est pas les joueurs de la NFL. Le salaire moyen est de 80 000, Larry. Donc, il y a des joueurs qui se sont quand même... on peut le dire, là, qui se sont entraînés, qui ont fait des démarches pour qu'il y ait une saison, dans l'espoir qu'il y ait une saison. Puis là, ils se ramassent gros gens comme devant. C'est ça qui est décevant pour eux autres. Mais vous savez, Danny, c'est mettre les joueurs de LCF dans la même position que tout le monde qui était affecté par le virus COVID. Il y avait une masse de monde des Canadiens qui a perdu leur emploi à cause de COVID. Puis maintenant, nous avons la même réalité avec les joueurs dans la Ligue canadienne de football. Ouais. Puis c'est triste, mais c'est la réalité. Puis pour quelques-uns de ces jeunes joueurs-là, ça va être un choc, mais ça va être une leçon dans le vie qui dit qu'il faut faire plus que juste le football. Dans mon cas, j'étais très chanceux. J'avais un job à part de football. J'ai fait mes études dans le droit civil. Il faut planifier toujours dans ta vie que vous allez avoir des surprises, mais il faut démontrer votre capacité de surmonter les obstacles. Puis maintenant, c'est le challenge et c'est l'opportunité pour les joueurs de vraiment démontrer comment ils sont capables de faire leur propre vie. OK. Larry, est-ce que tu es inquiet pour l'avenir de la Ligue canadienne de football? Parce que moi, écoute, c'est depuis 1981 que je suis la LCF. On les a souvent enterrés. Ils sont, mais 40 ans plus tard, c'est toujours là. Est-ce que tu penses que ça va être... c'est inquiétant? Mais moi, j'ai les grands espoirs parce que, dans une certaine façon, j'ai vécu ces mêmes types d'expériences. Pas au niveau que la situation existante. Mais par contre, j'ai vécu beaucoup de stress quand j'étais commissaire de la Ligue. Puis l'objectif, c'est toujours d'avoir la continuité de la Ligue parce que c'est très important pour tout le monde. Important pour les Québécois. Regarde l'évolution des Québécois qui jouent comme joueurs. Vous avez Laurent Duvernay-Tardif qui fait sa vie dans la NFL avec Kansas City, puis vous avez d'autres Québécois qui font le grand réussite dans leur carrière sportive. Il faut que les gens, les propriétaires vont s'asseoir, puis il faut faire un plan d'action. Il faut qu'ils parlent avec le gouvernement fédéral, puis mettre les cartes sur la table, puis chercher une moyenne. Donc, s'ils ont besoin de l'aide, ils peuvent avoir une aide qui peut être repayée. Moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce que M. Ambrosi a fait parce que je ne suis pas là, je ne suis pas dans le portrait. Mais par contre, je pense qu'il y a des options, mais il faut démontrer l'importance de la LCF pour tout le monde qui sont intéressés à donner un coup de main. C'est pas un don que la LCF a besoin. Ils ont besoin d'avoir une relation d'affaires, business relationship avec vraiment des objectifs de repayer s'il y a une aide financière qui est donnée aux ligues. Est-ce que c'est politique, cette affaire-là? Parce que tu sais, Larry, tu es dans la politique. La LCF est beaucoup plus populaire dans l'ouest du pays que dans l'est. Dans l'ouest, c'est très conservateur, puis tu es conservateur. Est-ce que ça peut avoir un aspect politique à la décision du gouvernement fédéral? Honnêtement, je ne pense pas d'aller de commencer d'avoir la politique dans le sport dans le sens de la LCF et l'ouest est plus conservateur que l'est. C'est évident qu'il y a des gens différents vis-à-vis leur conviction politique au Canada, mais par contre, au fin de journée, nous sommes tous des Canadiens, nous sommes tous des Québécois, nous sommes tous les Ontariennes, puis nous sommes les gens qui ont bâti un pays, mais il faut continuer à bâtir le pays parce que il faut surpasser les obstacles. Puis c'est un obstacle devant nous. Il faut trouver des moyens. Les propriétaires dans la LCF sont les meilleurs propriétaires qui existaient depuis le début de la Ligue. Alors, il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut comprendre une chose. Les gens qui sont riches n'aiment pas perdre d'argent. Ouais. Et peut-être ça va dire, mais garde M. Brayley, garde M. Young à Hamilton, puis ils ont perdu des millions. Oui. Ils ont perdu des millions, mais ils ont, eux, pour eux, une satisfaction communautaire qu'ils ont développée avec la société à Hamilton, la société dans l'ouest du Canada, Vancouver. Puis je pense que nous avons fait quelque chose de bon avec M. Wettenhall dans les années 90 et 2000-2010, etc., mais par contre, il faut trouver des moyens. Et j'ai vécu des choses très dures là-bas, mais par contre, nous avons toujours trouvé une solution de comment continuer et de vraiment bâtir quelque chose de bon. Est-ce que, comme commissaire, puis tu me corrigeras si je me trompe, c'est-tu toi, Larry, qui avait eu une entente avec la NFL de 3 ans? Il y avait eu une entente par le passé entre la NFL et la Ligue canadienne. Il y avait même la NFL avait aidé financièrement la LCF. Est-ce que c'est toi qui étais commissaire dans le temps? Qu'est-ce qui est arrivé, ça? C'était pas mal juste au fin de mon stage commissaire. Et je pense que il faut toujours regarder la situation. Avec la NFL, c'est un grand business. Ils ont un contrat de, je pense que, à peu près 2 milliards de pièces par année pour la télévision. Alors, eux autres, là, ils peuvent aller dans un stade sans avoir les gens, comme la Ligue nationale de hockey fait maintenant. Puis, ils peuvent survivre, puis ils peuvent continuer jusqu'au temps que les règles sont pas nécessairement changées vis-à-vis de la distance sociale, mais... Par contre, de trouver des moyens de reconfigurer des stades, reconfigurer comment les gens peuvent assister au match pour supporter le produit. Puis, dans la situation de la LCF, imagine-toi que Montréal dit, OK, nous avons une assistance moyenne de à peu près 20 000. Est-ce que nous pourrions jouer dans le stade Molson avec 20 000? Non, pas actuellement, mais par contre, pourquoi nous ne pourrions pas jouer dans le stade olympique? Parce que tu peux chercher 20 000 places dans un gros stade de 55 000 pour avoir une foule. Ouais. Alors, il y a des options. Ben oui, Edmonton, vous avez un stade de 60 000 personnes. vous êtes capable de chercher des places pour quoi? 25 000 dans un stade comme ça? Alors, il y a des opportunités et je pense que probablement ils ont commencé à regarder ça. Mais est-ce qu'ils ont quelque chose qui peut mettre en place comme un plan d'attaque qui est valide pour vraiment chercher l'appui qu'ils ont besoin financièrement? BC Place également, je pense que c'est... si tu peux jouer, c'est un stade de 50 000, il y a plusieurs places. C'est sûr que Saskatchewan, c'est sûr que Regina, c'est des petits stades, Winnipeg, Hamilton, mais il y a des stades, tu as raison quand tu dis ça, là, des stades de 20 000 personnes, dans une possibilité de 60 000 avec la distanciation sociale, il y aurait eu moyen de faire de quoi? Il y aurait eu moyen de faire une bulle là-dedans. Donc, Larry... je te pose la question parce que la NFL, est-ce que la NFL, un genre de partenariat, aurait pu aider la Ligue canadienne? Parce que moi ce que mais je vous savez dire, que... s'il n'y a pas eu plan B, il ne semblait pas avoir de plan B, il ne semblait pas avoir de plan C. Oui, mais le minute que vous commencez à perdre votre indépendance, ouais. Ça c'est vraiment un peu dangereux, Danny, parce ouais. que là, vous savez que les Américains, ils pensent pas comme les Canadiens. Ils sont pas la même mentalité. Ils sont des bons gens. Ils sont très bons. Mais par contre, quand vous avez un gros canon avec un petit bébé, le gros canon, il regarde le bébé et dit « Ah oui, vous êtes joli, ouais, vous êtes bon, vous êtes un ami, mais par contre, je veux vous contrôler. » Puis, je pense qu'il faut regarder la réalité. Le marché au Canada... Nous avons quoi, 15 millions de télévisions? Aux États-Unis, c'est 360 millions des gens, puis ils ont quoi, 100 millions de télévisions? Alors, le marché est 10 fois plus grand que nous. Alors, comment nous allons vraiment donner une valeur ajoutée au NFL? Je ne pense pas, Danny. Dernière question, Larry, parce que je dois aller à ton prédécesseur, Mario Ciccini. Est-ce que les gens qui disent que la NFL, c'est le temps de se réformer la Ligue canadienne de football, tu dis quoi? Beaucoup de monde qui malheureusement, qui compare le 4 essais et qui compare ça avec la NFL. Puis c'est pas la NFL, là. C'est deux produits différents. Tu dis quoi, ça? Mais je pense que les gens qui comprennent le sport de football et comprennent la nuance entre le NFL et le LCF, ils sont clairs, mais il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, oh, ouais, ouais, 4 essais versus 3 essais, ding, ding, ding, ding. » C'est un jeu complètement différent. Voilà. C'est peut-être deux types de... C'est football, right? Mais par contre, c'est le football qui est très différent. Les nuances sont très différentes. Et un n'est pas la même chose que l'autre. Et c'est simple. Mais les gens qui tombent dans la trappe, il dit, ah oh, ouais, ouais, mais NFL, CFL, il peut se fusionner, il peut changer les règles, puis ça ne peut pas passer comme ça parce que vous allez détruire le LCF et ça va détruire un autre produit qui ressemble à NFL, mais ce n'est pas la même chose que l'NFL. Non, effectivement. Larry, merci beaucoup. Plaisir de se reparler. On va sûrement se reparler au cours de la prochaine des prochains mois, puisque c'est un dossier qu'on n'a pas fini d'en parler, de la relance des Canadiens de football. Mais je te remercie, Danny, puis je vous dis une chose, Danny. Oui. C'est l'été, c'est le temps des bleuets. Oui, chaque on est dedans, je mange les bleuets de lac Saint-Jean. On est dedans, là. On est dedans, Larry, là. Fait que on est en plein dedans. Je sais pas la récolte, parce que moi, je n'en ramasse pas, mais ça a l'air que c'est quand même pas si pire. OK, Daddy, merci. Merci beaucoup, l'ex-président de la Zouette et commissaire Larry Smith.